بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc on poursuit avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture qu'on avait commencé le cours dernier au sujet des paroles d'Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh concernant l'iman ou le kufr, la foi et la mécréance. Et ces paroles, elles sont tirées du livre As-Salah wa Hukmu Tarikiha, la prière et le statut de celui qui la délaisse. Donc dans ces paroles, lors du dernier cours, on avait vu des fondements, et c'est ce qu'il faut retenir lorsqu'on lit des paroles de ce type-là. L'objectif, ce n'est pas retenir tous les détails, mais plutôt les grandes règles qui sont données. Car les grandes règles, elles deviennent ensuite des muhkamat, hein, des fondements chez nous, par lesquels on réfute al-mutashabihat, par lesquels on réfute les choses ambiguës, équivoques. Donc il avait donné plusieurs fondements qu'on avait vus, lesquels, qui peut nous rappeler les fondements qu'il avait donnés, rahmatullah alayh. Première chose, il avait donné un fondement concernant la foi et la croyance, concernant al-kufr et al-iman. Oui, que ce sont deux contraires et qu'ils ne se réunissent pas. Lorsque l'un d'entre eux apparaît, l'autre disparaît. Ça, c'est concernant la grande mécréance et la foi, et non pas la petite mécréance, car la petite mécréance, elle peut être présente avec la foi. On va le voir aujourd'hui dans ce cours, Inch'Allah. Ça, c'était un premier fondement. Ensuite, il nous avait donné d'autres fondements concernant la foi. La foi, c'est un asl, donc un fondement qui comporte des shu'ab, des branches. Donc ça aussi, c'est un fondement chez Al-Sunnah. Donc la foi, ce n'est pas quelque chose d'indissociable, qui n'est pas composé. La foi, elle est composée chez Al-Sunnah. Elle est composée d'une base, qu'on appelle Al-Asl, et de shu'ab, qui est le pluriel de shu'aba, de branches au pluriel. D'accord, il avait donné d'autres fondements. Donc ces branches, est-ce qu'elles sont toutes du même niveau? Non. Non. La plus haute, c'est laquelle? La parole est la ilaha. La moindre. Enlever quelque chose de la route. Voilà, enlever un obstacle de la route. Et entre ces deux branches, il y a un ensemble donc de branches. Certaines branches tendent vers la ilaha, d'autres tendent vers le fait d'enlever l'obstacle de la route. Donc elles n'ont pas toutes la même place au sein de la foi. Et la foi, c'est l'ensemble de quoi? C'est l'ensemble des obéissances. Une obéissance est une branche de la foi. Toute obéissance, toute ta'a, est une branche de la foi. On se souvient de ça. Et on a le contraire qui est la mécréance. La mécréance aussi, elle est composée, elle est complexe. Ce n'est pas une unité indissociable. C'est quelque chose de complexe. Donc aussi, la mécréance a un fondement qui comporte des branches, des ramifications. Et à chaque branche de la foi correspond une branche de la mécréance. Il disait par exemple que la pudeur, c'est une branche de la foi. Quelle est la branche de la mécréance qui correspond à celle-ci? Le manque de pudeur. La véracité, c'est une branche de la foi. Correspond à cette branche de la foi une branche de la mécréance qui est le mensonge. Le mensonge. D'accord. Faire la prière, c'est une branche de la foi. La branche de la mécréance qui y correspond, c'est le délaissement de la prière, etc. Ensuite, il avait parlé des branches de la foi, il avait dit qu'elles étaient de deux sortes. Il y avait celles qui relèvent de la parole et celles qui relèvent des actes. Et de même la mécréance, il y a deux types, celles qui relèvent de la parole et celles qui relèvent des actes. Il avait dit ensuite les paroles se divisent en deux catégories, lesquelles? Les paroles du cœur, ouais, et les paroles de la langue, et les actes du cœur, et les actes de, du corps. Les actes du cœur et les actes du corps. Donc on a la foi qui est divisée en quatre parties. Et de même la mécréance. Dans la mécréance, il y a ces quatre parties. La mécréance peut avoir lieu au niveau des paroles du cœur, au niveau des actes du cœur, au niveau des paroles de la langue, au niveau des actes du corps. Bon, ça, en gros, c'était les fondements qu'il avait donnés. Rahimahullah. Donc, on poursuit. Il dit fasl ensuite. Donc, c'est une partie. Fi nawa'i al-kufr. Concernant les deux types de mécréances. Il dit waha huna aslun akhar. Et ici, un autre fondement. Wa huwa anna al-kufra nawa'an. C'est que la mécréance est de deux types. Kufru amalin, la mécréance des actes. Wa kufru juhudin wa inad. Et la mécréance, donc, du rejet et du fait de disputer. Fa kufru al-juhud, il dit la mécréance del juhud. On avait vu c'était quoi le juhud. C'était quoi kufr al-juhud? C'était le membre du corps. Non, c'était le fait de rejeter la vérité, oui. Mais ne pas s'y soumettre en intériorisant qu'elle l'est. Tu nous as donné un exemple comme l'oncle du prophète A.S. Non, l'oncle du prophète A.S. c'était pas kufr al-juhud. Car lui, ça dépend de quel oncle tu parles. Si tu parles d'Abu Talib, non. Abu Talib, par la langue, il disait que l'islam, c'était la meilleure des religions. Ouais. Il ne traitait pas son neveu de menteur. Kufr al-Juhud, c'est comme Pharaon, par exemple. Pharaon, lui, il traite Moussa de menteur, etc. Mais dans son intérieur, il intériorise que Moussa est réellement l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a dit d'ailleurs à son sujet, wa jahadu biha, ils l'ont rejeté, wa jahadu biha, wa stayqanatha anfusuhum, alors que leur intérieur, leur personne, en sont sûrs. Ils sont sûrs que Moussa est l'envoyé d'Allah Azza wa Jal. Mais par leur langue, ils disent que c'est un menteur, etc. Donc il dit, fa kufru al-juhudi an yakfura bima alima anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ja'a bihi min 'indillahi juhudan wa 'inada. Il dit la mécréance del juhud, c'est de mécroire en ce qu'il sait que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a apporté de la part d'Allah. Donc, il sait que ça vient d'Allah, mais il y mécroit. Il dit, min asma'i rabb, comme les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wa sifatihi, et ses qualités, wa af'alihi, et ses actes, wa ahkamihi, et ses législations. Wa hadha al-kufr yudadu l'iman min kulli wajh. Il dit, et cette forme de mécréance, elle va à l'encontre de la foi, de manière complète. Donc ça, c'est une grande mécréance qui n'est pas associable à la foi. Il dit « wa amma kufru l'amal ». Mais quant à la mécréance, donc qui relève de l'acte. « Fayanqasimu ila ma yudadu l'iman wa ila ma la yudaduhu ». Il dit « quant à la mécréance relevant de l'acte, elle se divise donc en une mécréance qui va à l'encontre de la foi de manière complète et en une autre partie qui ne va pas complètement donc à l'encontre de la foi. Donc, qui peut être réuni à la foi. Donc là, on s'arrête ici. On répète, parce que ici, des gens ont mal compris les paroles d'Ibn al-Qayyim et aussi celles de l'Hafiz al-Hakami. Et certains, même dans les contemporains, ont compris que la mécréance des actes, c'est une petite mécréance de manière absolue, et que la mécréance de l'i'tiqad, que l'on va voir, la mécréance de relevant du cœur, que ce soit en termes de parole ou d'acte, c'est la grande mécréance. Donc ils ont divisé la mécréance en deux, la mécréance des actes qui est toujours de la petite mécréance et la mécréance relevant de l'i'tiqad comme étant une grande mécréance. Et ça c'est une erreur grave, ça, une erreur grave qui aura ensuite des conséquences très importantes sur le hukm, sur le statut que l'on donnera ensuite. Tu peux jamais kafar quelqu'un, mais ça ensuite ça va amener au madhhab de Murji'a. Ça va amener au madhhab de Murji'a, car le kufr ne pourra avoir lieu que par le cœur et jamais par l'acte. Alors on lit bien les paroles d'Ibn al-Qayyim et on s'arrête. Qu'est-ce qu'il a dit ? Wa hadha al-kufr. Et cette mécréance, yudadu l'iman min kulli wajh. Donc là il parle de la mécréance de juhud, du fait de rejeter quelque chose que l'on sait venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa amma, donc là il parlait de kufr al-juhud. Il dit wa amma kufru al-amali. Il dit, quant à la mécréance relevant de l'acte, fayan qasimu, il est divisé. Il a mayudadul iman, il est divisé. Donc, en une première partie, qui va complètement à l'encontre de la foi, qui est donc du kufr akbar, wa il a mayudadu. Et en une autre partie, qui ne va pas complètement à l'encontre de la foi. Il dit, fassujudu lissanami, wa listihanatu bil mushafi, wa qatlu nabi, wa sabbuhu, yudadul iman. Il dit le fait de se prosterner pour une statue et de rabaisser le mushaf, le Coran, le fait de tuer un prophète et de l'insulter. Il dit ceci va à l'encontre de la foi. Ceci va à l'encontre de la foi. Et il dit wa amma al-hukmu bighayri ma anzala Allah, mais quant au fait de juger par autre que ce que Allah a descendu, wa tarku as-salah fa huwa min al-kufr al-amali qat'an. Il dit quant au fait de juger par autre que les lois d'Allah et le fait de délaisser la prière, il dit ceci fait partie de la mécréance relevant de l'acte, il dit qat'an de manière sûre. Juger par autre que les lois d'Allah, ça relève de l'acte, ça? C'est un acte. Ça ne relève pas de la croyance, du moins de ce que nous on voit. De même, le délaissement de la prière. Délaissement de la prière. C'est un kufr relevant de l'acte. Il dit وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْفَ عَنْهُ إِسْمَ الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَطْلَقَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَلَيْهِ. Il dit et il n'est pas possible de rejeter le nom de Al-Kufr concernant cette personne, celui qui juge par autre que les lois d'Allah et celui qui délaisse la prière. Donc là, il n'est pas en train de dire si c'est encore du grand ou petit kufr. Il dit, il n'est pas permis, il n'est pas possible donc de ne pas qualifier ce qui a été fait ici, c'est-à-dire le délaissement de la prière et le fait de juger par d'autres lois que celles d'Allah. On ne peut pas rejeter le nom de Al-Kufr, la mécréance, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam leur aient attribué. Il dit فَالْحَاكِمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ كَافِرِ. Il dit celui qui juge par autre que ce qu'Allah a descendu, kafir est mécréant. On verra quelle forme de mécréance il vise lui ici. وَتَارِكُ الصَّلَاةِ كَافِرِ. Il dit et celui qui délaisse la prière est aussi kafir, mécréant. بِنَصِّ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam. Il dit selon le texte, donc clair du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit walakin huwa kufru 'amalin la kufru 'i'tiqad. Mais il dit c'est une mécréance donc relevant des actes et non pas une mécréance relevant des croyances. Car c'est quelque chose qui a lieu à quel niveau ça? Le délaissement de la prière et le délaissement est jugé par autre que ce qu'Allah a descendu, ça relève des actes. Il dit wa na'am, des actes du corps. Il dit وَمِنَ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْحَاكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ كَافِرًا وَيُسَمِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرًا وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا اسْمُ كَافِرٍ. Il dit وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا اسْمُ كَافِرٍ. Il dit et il est impossible qu'Allah subhanahu wa ta'ala nomme donc al-hakim, celui qui juge par autre que ce qu'Allah a descendu, il le juge comme étant kafir. Dans le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est clair, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Et ceux qui jugent par autre que ce qu'Allah a descendu, ce sont eux les mécréants. Et il dit, et il est impossible aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nomme celui qui délaisse la prière comme étant mécréant et que ce nom ne leur soit pas attribué. Obligatoirement, celui qui juge par autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, il est kafir. Pourquoi? Parce que c'est cité dans le Coran. Et de même celui qui délaisse la prière. Après, on verra quelle forme de kufr il vise. Pour l'instant, on est dans le nom, là, simplement. Il dit, وَقَدْ نَفَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيمَانَ عَنِ الزَّانِي. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a rejeté donc la foi concernant le fornicateur. On avait cité le hadith, لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنَ. Le fornicateur, lorsqu'il fornique, il ne fornique pas en étant croyant. On avait dit, ça, c'est un rejet de la base de la foi, ou de sa complétude obligatoire, ou bien de la complétude recommandée. Voilà, de la complétude obligatoire. Et non pas de la base de la foi, comme disent les Khawarij. On avait dit le rejet de la complétude recommandée, elle n'est pas présente dans le Coran et la Sunna. Il dit Wassarir aussi au sujet du voleur, elle a été rejetée dans le même hadith. Le voleur, lorsqu'il vole, il ne vole pas en étant croyant. C'est un rejet de la complétude obligatoire. وَشَارِبُ الْخَمْرِ. Il dit aussi celui qui boit le vin. Donc c'est dans le même hadith. La foi est rejetée au sujet de toutes ces catégories-là. Il dit وَعَمَّنْ لَا يَأْمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. Et aussi au sujet de celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنْ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنْ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنْ. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Par Allah, il ne croit pas. Trois fois. On a dit, qui, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit man lam ya'man jaruhu bawa'iqa, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Pareil, donc le prophète alayhi salatu wasalam a rejeté la foi concernant cette personne. C'est quel rejet? Complétude obligatoire. Voilà, de la complétude obligatoire. Mais la base dans le rejet, c'est quoi? Non, c'est asl al-iman. La base dans le rejet, c'est la base de la foi. Après, c'est le délil du Qur'an de la Sunna, ou bien un ijma', un consensus donc des musulmans, et notamment des sahaba radiyallahu anhum, qui vient faire dévier donc ce rejet de la base de la foi vers la complétude obligatoire. Il dit donc وَإِذَا نَفَ عَنْهُ أَوْ وَإِذَا نُفِيَ عَنْهُ إِسْمُ الْإِيمَانِ فَهُوَ كَافِرٌ مِنْ جِهَةِ الْعَمَلِ. Et si jamais le nom, donc le terme de la foi est rejeté concernant ces personnes-là, le fornicateur, celui qui boit le vin, etc., ces catégories qui ont été citées auparavant, il dit si la foi, le nom de la foi est rejeté concernant ces catégories, il est alors mécréant, il est mécréant au niveau du côté de l'acte. Concernant l'acte, il est mécréant. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait, c'est une mécréance. Sinon, le prophète alayhi salatu wa sallam n'aurait pas rejeté la foi à son sujet. Il dit, وَانْتَفَ عَنْهُ كُفْرَ الْجُحُودِ وَالْيَعْتِقَادِ. Il dit, mais au niveau de cette personne-là, la mécréance, donc du rejet de quelque chose qu'il sait comme venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, est éteinte, elle n'est pas présente. Qui est donc un kufre relevant du cœur. Donc celui qui boit le vin, c'est un kufre. Au niveau de quoi ça? De l'acte ou du cœur? De l'acte. De même celui qui vole. De même celui dont le voisin n'est pas à l'abri de son mal. Et c'est quand que ça devient un kufre akbar? Lorsque c'est accompagné d'un kufre relevant de l'i'tiqad, c'est-à-dire qu'au niveau de son cœur, il fait ce qu'on appelle l'istihlal, il rend licite cette chose-là. Il rend licite cette chose-là. Il dit aussi, وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ. Et de même la parole du prophète, alayhi salatu wasalam, لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَدْرِبُوا بَعْدُكُمْ رِقَابَ بَعْدٍ. Ne devenez pas après moi des mécréants, kuffara, vous frappez les uns les autres vos coups. Donc le prophète, alayhi salatu wasalam, a appelé le fait de se combattre les uns les autres de la mécréance. Il a jugé cela comme étant de la mécréance. Ibn al-Qayyim dit, فَهَذَا كُفْرُ عَمَلٍ. Ceci est une mécréance de l'acte. Quelle est la preuve de cela, que le fait de combattre un musulman, c'est une mécréance de l'acte? Il y a le hadith du prophète alayhi salatu wasalam, si babul muslimi fusuq, insulter le musulman, c'est de la perversité, wa qitaluhu kufr, et le fait de le combattre, c'est de la mécréance. À la base donc, la mécréance, quand elle est dite par le prophète alayhi salatu wasalam, c'est la grande mécréance. Et il faut une preuve extérieure pour faire dévier cette mécréance, cette grande mécréance, vers une petite mécréance. Et ici, on a le verset d'Allah Azza wa Jal qui dit « وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et si jamais deux groupes de croyants s'entretuent, arrangés entre eux. » Donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité comme quoi ils s'entretuaient, et il a cité aussi comme quoi les deux camps étaient des camps de croyants. « وَإِنْ طَائِفَتَانِ. » Et si deux groupes min al-mu'minin, parmi les croyants, irtatalu, s'entretuent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a uni dans ce verset-là ces deux qualités-là, la croyance et aussi le fait de s'entretuer. Donc le fait de s'entretuer, de tuer, de combattre un musulman, n'est pas de la grande mécréance. Mais c'est du kufr, c'est de la petite mécréance. Il dit وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ. Et de même la parole du prophète alayhi salatu wa sallam, مَنْ أَتَ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ. Celui qui va voir un voyant et qui croit en ce qu'il a dit, أَوْ مَرَأَةً فِي دُبُورِهَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ. Il a certes mécru en ce qui a été descendu sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui va voir un voyant et qui croit en ce qu'il a dit, et qui croit en ce qu'il rapporte comme information relevant de l'invisible, ça c'est du kufr akbar ça. Ça, c'est du kufr akbar. S'il attribue à cette personne-là la capacité, le pouvoir de connaître l'invisible, ça, c'est du kufr akbar. Et celui, il dit, qui a un rapport avec une femme, donc par le derrière, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Il a certes mécru en ce qui a été descendu sur Muhammad. Donc ça, c'est du kufr asrar. Sauf si la personne dit que c'est halal après avoir reçu l'information, comme quoi c'est haram. Donc ici, l'imam Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il nous apporte? Donc comme information, c'est qu'il y a du kufr relevant des actes, qui n'est pas du kufr akbar. Et dans cette partie-là, certains ont compris que l'imam Ibn al-Qayyim qualifie tout kufr relevant des actes comme étant du petit kufr. Ce qui est juste ou faux? Ce qui est faux. On revient à son expression qui est extrêmement claire. Il dit « wa amma kufr al-amal » mais quant à la mécréance de l'acte, « fayanqasimu ila ma yudadu al-iman » il est divisé donc en une première partie qui va complètement à l'encontre de la foi, « wa ila ma la yudadu » et en une autre partie qui ne va pas complètement à son encontre. Et on se rappelle que ici, il est dans le débat, est-ce que celui qui délaisse la prière est mécréant ou pas? Et donc tout ça, là, ce qu'il apporte, c'est pour conclure à la fin qu'il est mécréant. On continue les paroles. Il dit « fal-iman ou l'amali ». Il dit donc « la foi relevant de l'acte ».« Fal-iman ou l'amali », la foi qui relève de l'acte. « Yudaduhu l'kufru l'amali » va à son encontre la mécréance relevant de l'acte. Il dit « wal-iman ou l'i'tiqadi » et la foi relevant de l'i'tiqad. « Yudaduhu l'kufru l'i'tiqadi » va à son encontre la mécréance relevant de l'i'tiqad. L'i'tiqad aussi, c'est important. L'i'tiqad, ça renvoie à quoi? L'i'tiqad, ça renvoie aux paroles du cœur et aux actes du cœur. Ou à l'un des deux. D'accord? Une mécréance relevant du parole du cœur, une mécréance relevant des paroles du cœur, c'est un kufr d'i'tiqad. Une mécréance relevant des actes du cœur, c'est aussi un kufr d'i'tiqad. Et là, parfois aussi, on a certains écrits... on a des durous où c'est flou à ce niveau-là. Les gens, ils passent sur le mot itiqad sans être pointilleux. Et la aqidah doit être pointilleux. Donc, quand les salafs ont dit al-iman, qawlun wa amal, au début, ils disaient ça. C'est parole et acte. Après, certains ont rajouté qawlun wa amalun wa itiqad. Ce sont des paroles, des actes et de l'itiqad. Qu'est-ce qu'ils visaient ici par itiqad? Les deux parties relevant du cœur. Qui sont donc les paroles du cœur et les actes du cœur. Donc on se rappelle que l'i'tiqad, ça peut être les paroles du cœur, les actes du cœur ou bien les deux. Il dit « Wa qad a'lana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bima qulnahu fi qawlihi fi al-hadith as-sahih » et le prophète alayhi salatu wa sallam a annoncé ce que nous avons dit auparavant. Donc il y a deux types de mécréance. Dans le hadith authentique, « Sibabu al-muslimi fusuq wa qitaluhu kufr » insulter le musulman est de la perversité et le combattre est de la mécréance. « Fa farraqa bayna qitalihi wa sibabi » il a différencié donc le fait de le combattre et le fait de l'insulter. وَجَعَلَ أَحَدَهُمَا فُسُوقًا لَا يَكْفُرُ بِهِ وَالْآخَرَ كُفْرًا. Donc il a fait de l'un des deux, de la perversité, c'est-à-dire le fait de l'insulter, acte par lequel il ne devient pas mécréant, وَالْآخَرُ كُفْرًا et l'autre est de la mécréance. Il a dit وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ الْكُفْرَ الْعَمَلِي لَا الْاِعْتِقَادِي. Et il est connu qu'à travers ce kufr-là, donc qui est le fait de combattre un musulman, le prophète alayhi salatu wassalam a visé la mécréance relevant de l'acte et non pas de l'i'tiqad, et non pas celle relevant de la croyance. Il dit وَهَذَا الْكُفْرُ لَا يُخْرِجُهُ مِنَ الدَّائِرَةِ الْإِسْلَامِيَةِ وَالْمِلَّةِ بِالْكُلِّيَةِ. Il dit et cette forme de mécréance, laquelle? Le fait de combattre un musulman, et qui est donc la mécréance relevant de l'acte, ne le fait pas sortir, il dit, de la sphère islamique et de la milla, de la religion, de manière complète. Donc il ne sort pas du din à cause de cet acte-là. « Kama la yakhruju zani wa sariq wa sharibu min al millati wa inzala anhu ismul iman » il dit, tout comme ne sort pas donc de la religion, le fornicateur, le voleur, celui qui boit le vin, il dit même si, donc il perd le nom de la foi. C'est-à-dire la foi, c'est la complétude obligatoire qu'il perd, et non pas la base de la foi. Il dit « وَهَذَا التَّفْصِيلُ هُوَ قَوْلُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ هُمْ أَعْلَمُ الْأُمَّةِ بِكِتَابِ اللَّهِ وَبِالْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ وَلَوَازِمِهِمَا » il dit, et ce détail-là, donc il a donné auparavant, il dit, c'est la parole des compagnons, radiyallahu anhum, qui sont les plus savants de cette communauté, concernant le livre d'Allah, et l'islam, et la mécréance, et ses implications, et leurs implications. Les implications de l'islam, et les implications de la mécréance. Il dit « فَلَا تُتَلَقَّ هَذِهِ الْمَسَائِلُ إِلَّا عَنْهُمْ » il dit donc ces notions-là, elles ne doivent être prises que d'eux. « فَإِنَّ الْمُتَأَخِّرِينَ لَمْ يَفْهَمُوا مُرَادَهُمْ فَانْقَسَمُوا فَرِيقَيْنَ » il dit ceux qui sont arrivés après eux, donc les gens des époques reculées n'ont pas compris ce que visaient donc les compagnons par leurs paroles. Elles se sont divisées en deux groupes. Fariqan akharaju min al-millati bil kaba'ir wa qadaw ala ashabiha bil khulud fi an-nar. Il dit il y a une partie qui ont sorti donc les gens de la religion en raison des grands péchés et qui ont jugé que ceux qui font les grands péchés seront éternellement dans le feu de l'enfer. Qui sont ces gens? Al-Khawarij. Pourquoi? Parce que pour eux la foi c'est quelque chose d'indivisible. Donc lorsqu'il y a une branche de perdu, la foi disparaît. Et dit وَفَرِيقًا جَعَلُوهُمْ مُؤْمِنِينَ كَامِلِ الْإِيمَانِ. Et une autre partie qui ont fait donc de ces personnes-là qui font les grands péchés, qui boivent, qui forniquent, etc., qui font les grands péchés, ils en ont fait des croyants à la foi complète. Qui sont ceux-là? Les Murji'a. Il dit فَهَاُولَا إِغَلَوْا. Donc ceux-là ont exagéré. وَهَاُولَا إِجَفَوْا. Et ceux-là, ils ont été laxistes, ils ont négligé. وَهَدَى اللَّهُ أَهْلَ السُّنَّةِ لِلطَّرِيقَةِ الْمُثْلَى وَالْقَوْلِ الْوَسَطِ الَّذِي هُوَ فِي الْمَذَاهِبِ كَالْإِسْلَامِ فِي الْمِلَلِ. Et il dit, et Allah Azza wa Jal a guidé les gens de la Sunna à la meilleure donc des voies et à la parole médiane qui est donc au sein de ces différentes de ces différents avis donc médiane tout comme est l'islam donc médian au niveau du reste des religions. Il dit فَهَا هُنَا كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ. Et il y a donc ici c'est une base que l'on prend à travers ces paroles, il dit donc il y a un kufr duna kufr, une mécréance qui est en deçà de la grande mécréance. وَنِفَاق duna nifaq, et une hypocrisie qui est en deçà de la grande hypocrisie qui elle fait sortir de l'islam. وَشِرْكٌ duna shirkin, et il y a un associationnisme qui est en deçà du grand associationnisme qui fait sortir de l'islam. وَفُسُوق duna fusuq, et il y a une perversité donc grande qui est en, il y a une perversité qui est en deçà de la grande perversité qui elle fait sortir de l'islam. وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ, et il y a une injustice qui est en deçà de l'injustice grande qui fait sortir de l'islam. Il dit قَالَ سُفْيَانَ ibn عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ ibn حُجَيْرَ عَنْ طَاوُوسَ عَنْ ibn عَبَّاسَ. Il dit سُفْيَانَ ibn عُيَيْنَةَ a rapporté selon Hisham ibn Hujair, selon Taous, selon Ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala, au sujet de la parole d'Allah azza wa jalla, wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, et ceux qui ne jugent pas par ce que Allah a descendu ce sont eux les mécréants. Il dit laysa huwa al-kufru laysa huwa bil kufri alladhi yadhhabuna ilay, ce n'est pas la mécréance vers laquelle ils vont, c'est-à-dire les khawarij qui eux disaient de manière totale et absolue et qui faisait le takfir de Ali, radiallahu anhu, s'appuyant sur une mauvaise compréhension qu'ils avaient de ce verset-là. Il dit, ce n'est pas la mécréance vers laquelle ils vont, la mécréance qu'ils choisissent. C'est-à-dire, ce n'est pas la grande mécréance. C'est une mécréance en deçà de la grande mécréance. Wa qala Abdul Razzaq, et Abdul Razzaq a dit, akhbarana Ma'mar an ibn Taous, an Abi, Abdul Razzaq donc nous a informé, a dit que Ma'mar nous informer au sujet du fils de Taous, que son père, donc Taous, a dit, Su'il ibn Abbas, ibn Abbas radiallahu anhum a été questionné au sujet, donc de ce verset, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, et ceux qui ne jugent pas parce qu'Allah a descendu, ce sont eux, les mécréants, قَالَ هُوَ بِهِمْ كُفْرٌ, il dit, c'est pour eux une mécréance, وَلَيْسَ كَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ, mais ce n'est pas comme celui qui a mécru en Allah, en ses anges, en ses livres et ses messagers. وقال في رواية أخرى عن, et dans une autre version, Ibn Abbas a dit كفر لا ينقل عن الملة, c'est une mécréance qui ne sort pas de la religion. وقال طاووس, et طاووس a dit ليس بكفر ينقل عن الملة, ce n'est pas une mécréance, donc celle qui est citée dans ce verset là, ce n'est pas une mécréance qui sort de la religion. Et ensuite il continue donc de rapporter des paroles des salafs. Il dit وقال وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء. Donc Ata, rahmatullah alayhi, a dit kufrun duna kufrin, c'est une mécréance en deçà de la grande mécréance. Wa dhulmun duna dhulmin, et une injustice en dessous de la grande injustice. Wa fisqun duna fisqin, et une perversité en dessous de la grande perversité. Wa hadha alladhi qalahu Ata bayyinun fil Qur'an liman fahimah, et ce qu'a dit Ata ici, c'est évident dans le Qur'an pour celui qui l'a compris. Fa inna Allah subhanahu samma al-hakima bighayri ma anzala Allah كافرا فان الله سبحانه سمى الحاكم بغير ما انزله كافرا, car Allah subhanahu wa ta'ala a nommé donc celui qui juge par autre que ce qu'Allah a descendu comme étant kafir. وسمى جاحدا ما انزله على رسوله كافرا, et il a aussi nommé celui donc qui réfute ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur son messager comme étant aussi kafir. Donc celui qui ne juge pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, c'est un mécréant, on verra quel type de jugement. C'est pas tous les types de jugements qui sont de la petite mécréance, mais là je rentre pas dans ce détail car ça ce sera un aqid, un annulatif qu'on détaillera ensuite. Donc il dit ici rahmatullah alayh que Allah subhanahu wa ta'ala a cité, donc a nommé celui qui juge par autre que ce qu'Allah a descendu comme étant kafir, et il a aussi nommé celui qui rejette ce qu'Allah a descendu sur son messager comme étant kafir. Et il dit walaysa al-kafirani ala haddin sawa, et les deux mécréants là, les deux kafirs, ils ne sont pas au même niveau. Il y en a un qui est dans la petite mécréance, dans le kufr, duna kufr, et l'autre qui est dans la grande mécréance. Donc l'asl, l'adhim que l'on prend, le grand fondement que l'on prend ici, c'est qu'il y a de la grande mécréance qui fait sortir de l'islam, et une petite mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam. Il y a le grand shirk qui fait sortir de l'islam, et il y a un shirk en deçà de celui-ci qui ne fait pas sortir de l'islam. Le fisq akbar, la grande perversité, fait sortir de l'islam, pas la petite perversité. Le grand nifaq fait sortir de l'islam, la personne d'ailleurs n'est même pas musulmane à la base, et le petit nifaq ne fait pas sortir de l'islam, ce n'est pas du grand kufr. Ce sont des grands péchés ça. Les péchés où Allah subhanahu wa ta'ala a cité que c'était du kufr, mais qui ne sont pas des... donc, de la grande mécréance, ce sont des grands péchés. Et ils sont pires que ceux qui n'ont pas été cités comme étant du kufr. Ils sont pires que ceux qui n'ont pas été qualifiés comme étant du kufr. Car on avait dit que toute désobéissance est une branche du kufr. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cité, ainsi que son prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas donné le nom de kufr à toute désobéissance. Donc la désobéissance qui est qualifié comme étant du kufr, c'est un grand péché, plus grave encore que les grands péchés n'étant pas qualifiés comme étant du kufr, même s'ils le sont dans leur nature, car toute désobéissance est une branche du kufr. Donc ensuite, il s'est attardé, rahimahullah, à rapporter de nombreux versets, montrant qu'Allah subhanahu wa ta'ala parfois cite des gens comme étant fasiq, pervers, alors qu'ils sont mécréants, pour montrer que le mot fisq est parfois synonyme de grande mécréance. Pareil, dhalim, Allah subhanahu wa ta'ala cite ad-dhalimin, les injustes, comme étant des mécréants parfois, et parfois comme n'étant pas des mécréants. Donc ces termes, ils peuvent être tous synonymes, c'est-à-dire avoir le même statut, al-kufr, quand on parle de la grande mécréance, al-nifar, quand on parle de la grande hypocrisie, al-fisq, quand on parle de la grande perversité, al-jahl, quand on parle de la grande ignorance, toutes ces choses-là, amène au même statut, c'est que la personne n'est pas musulmane. Mais il y a en deçà donc de toutes ces unités-là, donc une mécréance qui est une petite mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam, une petite hypocrisie, une petite injustice, une petite ignorance, etc. Donc là, il a rapporté de nombreux versets, mais si on les lit tous, on finira pas aujourd'hui la lecture de ce qu'on voulait lire. Donc ensuite il dit fasl. Il rapporte une autre partie, il dit fijtima' il kufr wal iman, dans le fait de la réunion de la mécréance et du iman. Ça encore, c'est une grande base, un grand fondement de Ahl Sunnah. Il dit waha huna aslun akhar, et ici donc encore un autre fondement. Wa huwa anna ar-rajula qad yajtami'u fihi kufrun wa iman. Il dit c'est que donc dans l'individu peuvent être unis la mécréance et la foi. La mécréance et la foi. Wa shirkun wa tawhid. Et du shirk, donc de l'associationnisme, et du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqwa wa fujur. Et de la piété, taqwa wa fujur, et du mal. Wa nifaqun wa iman. Et de l'hypocrisie, et du iman, de la foi. Il dit wa hadha min a'zami usuli ahli sunnah. Il dit, et ceci fait partie des plus grands fondements des gens de la sunna. Wa khalafahum fihi ghayruhum min ahli al-bid'ah kal-khawarij wal-mu'tazilah wal-qadariyah. Il dit, et sont allés à l'encontre de ahl sunna dans ce fondement d'autres groupes parmi les gens de l'innovation comme les khawarij, les mu'tazila et les qadariyah. Il dit, wa mas'alatu khuruj ahli al-kaba'ir min an-nar wa takhlidihim fiha mabniyah 'ala hadha al-asl. Et il dit, la question concernant la sortie de ceux qui sont morts en ayant fait des grands péchés, ne s'étant pas repentis de cela, hein, leur sortie du feu de l'enfer, hein, il dit, ou bien qu'ils vont rester éternellement dans le feu de l'enfer, il dit, cette question-là, elle prend naissance sur ce fondement-là. Répète. La question... وَمَسْأَلَةُ خُرُوجِ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنَ النَّارِ وَتَخْلِدِهِمْ فِيهَا مَبْنِيَةٌ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ. Il dit, la question concernant le fait que les gens ayant fait des kabaïrs, ils sortiront de l'enfer ou pas, elle est fondée sur ce... C'est une ramification de ce fondement-là. Donc pour Ahl Sunnah, les gens qui sont morts avec le tawhid et des kabaïrs, ils sortiront un jour ou l'autre de l'enfer. Quelle que soit la longueur de la période pendant laquelle ils brûleront dans les flammes de l'enfer, ils sortiront donc à un moment ou à un autre des flammes de l'enfer et rentreront au paradis. Concernant les Mu'tazila et les Khawarij, ils seront éternellement dans le feu. Donc il dit, وَقَدْ دَلَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَالسُنَّةِ. Il dit, la preuve de ce fondement-là, c'est le Coran et la Sunnah, والفطرة, la saine nature, وإجماع الصحابة, et aussi le consensus des Sahaba. قال الله تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart ne croient en Allah qu'en étant associateurs. Et la plupart ne croient en Allah qu'en étant associateurs. Donc, quelle est la foi visée par Allah subhanahu wa ta'ala ici? Et quelle est la forme de shirk visée ici par Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que c'est le grand shirk? Il ne croit à Allah qu'en étant dans le grand associationnisme. C'est possible ça? Non, ce n'est pas possible. C'est possible si jamais c'est quelle foi qui est visée au début? Voilà, mashallah. Si jamais c'est la foi linguistique qui est visée au début. Si jamais c'est la foi linguistique et il ne croit à Allah qu'en étant associateur, il ne croit dans les paroles du cœur. Simplement. Comme va être qualifié Pharaon, les juifs, Iblis, de croyants dans le sens linguistique. Avec un tasdiq à l'intérieur. Non, pas complet. Hein, car on a dit que c'était tout interdépendant. S'il y a mécréance, il y a même dans les paroles du cœur une faille. Mais il n'y a pas extinction obligatoire, disparition complète des paroles du cœur. Donc la plupart ne croient en Allah qu'en étant associateur. فَأَثْبَتَ لَهُمْ إِيمَانًا بِهِ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé qu'ils avaient de la foi, mais à shirk, avec l'associationnisme. Donc quel est le fondement ici, visé par le shirk? Le petit shirk et le grand shirk. Donc il peut y avoir union de quoi et de quoi? De la foi avec le shirk. De la foi avec la mécréance. D'accord. Et quelle est cette foi et cette mécréance qui peuvent être réunies? Quelle est la mécréance qui peut être unie à la foi? La foi, on la laisse, c'est la forme législative. La petite mécréance. La petite mécréance, le petit shirk. Naam. Naam. Il dit ensuite, قال الإمام أحمد. Donc je saute un peu de ces paroles pour qu'on gagne du temps. Il dit, l'imam Ahmed, رحمه الله, dit, من أتى هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن يريد الزنا والسرقة وشرب الخمر والانتهاب. Donc il dit, celui qui fait une de ces quatre choses, ou bien quelque chose d'équivalent, ou bien d'au-dessus, hein, et il visait le fait de forniquer, de voler, de boire le vin, il dit, c'est un musulman. Fahuwa muslim. Wala usammihi mu'mina. Et je ne le nomme pas croyant. Je ne le nomme pas croyant. Wamun ataduna dhalik. Et celui qui fait quelque chose en deçà de celle-ci, yuridu dun al-kaba'ir, il veut dire, donc par cela, des péchés qui sont moindres que les grands péchés, se maituhu mu'minan naqis al-iman. Je l'appelle croyant à la foi, donc qui est manquante. Faqad dalla ala hadha qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. La preuve de cela se trouve dans la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faman kanat fihi khaslatun minhun, kanat fihi khaslatun minan nifaq. Et celui qui voit en lui, non, et celui qui a en lui une de ces notions, il a en lui une notion parmi les notions de l'hypocrisie. Vous connaissez le hadith? Et celui qui a en lui quatre choses, c'est un hypocrite pur. Et celui qui en a une d'elles, il a en lui une branche de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Ida ahad aradar, lorsqu'il donne un contrat, il le trahit. Ida khasama fajar, lorsqu'il se dispute, il l'outrepasse. les limites. Et lorsque, lorsqu'on lui donne un dépôt, il le trahit. Il y a plusieurs versions. Et lorsqu'il parle, il ment. Il a dit فدل على أنه يجتمع في الرجل نفاق وإسلام. Donc ce hadith là, il montre que dans la personne, il peut y avoir union de l'hypocrisie et de l'islam. Car le prophète عليه الصلاة والسلام, il a dit, et celui qui a une de ces notions là, il a en lui une branche de l'hypocrisie jusqu'à ce qu'il la délaisse. Il voit كذلك الرياء والشرك. Et de même, l'ostentation, c'est du shirk. فإذا رأى الرجل في شيء من عمله اجتمع فيه الشرك والإسلام. Et dit, si jamais la personne est ostentatoire dans une de ses actions, dans quelque chose de ses actions, donc se réunissent en lui du shirk et de l'islam. Du grand shirk ? Non, du petit shirk et de l'islam. Il dit, وإذا حكم بغير ما أنزل الله. Et s'il juge par autre que ce qu'Allah a descendu. أو فعل ما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كفرا ou bien qu'il fait ce que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a nommé comme étant de la mécréance وهو ملتزم للإسلام alors qu'il est pratiquant de l'islam وشرائعه فقد قام به كفر وإسلام donc que c'est quelqu'un qui pratique l'islam et ses lois donc, et ses législations فقد قام به كفر وإسلام il y a en lui de la mécréance et de l'islam. وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَعَاصِي كُلُّهَا شُعَبٌ مِنْ شُعَبِ الْكُفْرِ Et nous avons démontré auparavant donc, que les désobéissances sont toutes des branches, parmi les branches de la mécréance. كَمَا أَنَّ الطَّاعَاتِي Tout comme les obéissances, كُلُّهَا شُعَبٌ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ sont toutes des branches parmi les branches de la foi. فَالْعَبْدُ تَقُومُ بِهِ شُعْبَةٌ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ Donc dans une personne, il peut y avoir une branche ou bien plus parmi les branches de la foi, وَقَدْ يُسَمَّ بِتِلْكَ الشُعْبَةِ مُؤْمِنًا وَقَدْ لَا يُسَمَّ Et il peut être nommé par cette branche de la foi, croyant. Et il peut ne pas être nommé. Et il peut ne pas être nommé croyant par cette branche-là. La présence d'une branche de la foi dans une personne n'implique pas obligatoirement qu'il est croyant. Il dit ensuite, كَمَا أَنَّهُ قَدْ يُسَمَّ بِشُعْبَةٍ مِنْ شُعَبِ الْكُفْرِ كَافِرًا وَقَدْ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الْإِسْمِ Tout comme il peut être nommé du fait qu'il a en lui une branche de la mécréance, mécréant. وَلَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الْإِسْمِ وَقَدْ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ هَذَا الْإِسْمِ Et il se peut qu'il ait en lui une branche de la mécréance et qu'il ne soit pas nommé mécréant. Il dit ensuite, fasl, une autre partie, وَهَا هُنَا أَصْلٌ آخَرٌ Et ici, un autre fondement. Donc il dit وها هنا أصل آخر et ici un autre fondement وهو أنه لا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعبد أن يسمى مؤمنا وإن كان ما قام به إيمانا il dit c'est que le fait qu'une branche parmi les branches de la foi soit présente dans le serviteur n'implique pas qu'il soit nommé comme étant un croyant il dit même si ce qui est présent en lui est de la croyance. Il dit wala min qiyam shu'bah min shu'ab al-kufr bihi an yusamma kafira wa in kana ma qama bihi kufra. Et il dit de même, donc le contraire, ce n'est pas parce que la personne a en elle une branche parmi les branches de la mécréance qu'il doit être nommé mécréant, même si ce qu'il porte en lui donc est de la mécréance. Kama annahu la yalzamu min qiyam juz'in min ajza'i al-'ilm bihi an yusamma 'alima. Il dit tout comme ce n'est pas parce qu'il porte en lui donc une partie de la science qu'il va être nommé savant. Il dit wala min ma'rifati ba'd masa'il al-fiqh wa at-tibb an yusamma faqihan wala tabiba. Il dit et de même ce n'est pas parce qu'il a certaines notions de fiqh, de jurisprudence ou bien de médecine qu'il va être appelé faqih, jurisconsulte ou bien médecin. Il dit وَلَا يَمْنَعُ ذَلِكَ أَن تُسَمَّ شُعْبَةُ الْإِيمَانِ إِيمَانًا وَشُعْبَةُ النِّفَاقِ نِفَاقًا وَشُعْبَةُ الْكُفْرِ كُفْرًا Et ceci n'empêche pas que la branche de la foi soit nommée comme étant de la foi, que la branche de l'hypocrisie soit nommée comme étant de l'hypocrisie et que la branche de la mécréance soit nommée comme étant de la mécréance. Donc qu'est-ce que l'on prend comme grand fondement des paroles de l'imam Ibn al-Qayyim en dehors des fondements que l'on a pris le dernier cours, la mécréance se divise en deux mécréances. Laquelle ? Voilà, la mécréance relevant de l'acte, qui elle-même se divise en deux catégories. Laquelle ? De manière complète. C'est une grande mécréance et une petite mécréance. Et la mécréance de l'i'tiqad. De manière complète. Donc là, c'est toujours de la grande mécréance. Celle qui a lieu au niveau du cœur, des paroles ou bien des actes. Donc la mécréance de l'i'tiqad, c'est toujours une grande mécréance. La mécréance, amali relevant des actes, il y a de la grande mécréance et il y a de la petite mécréance. Nous, on avait dit auparavant, et ça c'est un asl muhim chez Ahl Sunnah, qu'il y a interdépendance entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a interdépendance entre l'intérieur et l'extérieur. On commence par les paroles du cœur. Lorsque les paroles du cœur, qui sont donc la confirmation des informations en termes de Qur'an et de Sunnah, qui sont donc les convictions que tu as au niveau de ton cœur, celles-ci, lorsqu'elles sont complètes, comme les demandes d'Allah subhanahu wa ta'ala, obligatoirement, elles doivent donner naissance à quoi ? Aux actes du cœur. D'accord ? Donc, niya, intention, ikhlas, sincérité, mahabba, amour, khawf, crainte, khashia, etc. Donc, il y a un ensemble d'actes du cœur qui prennent naissance. Ce sont de différents niveaux, suivant les gens. De même, les convictions au niveau des paroles sont de différents niveaux. Par exemple, la parole du cœur selon laquelle la ilaha illallah, c'est une parole du cœur. Est-ce que la parole du cœur, la ilaha illallah, dans le cœur d'Abu Bakr est la même que dans notre cœur à nous? Non. Ça, c'est certain. Donc, Abu Bakr, radiallahu an, est supérieur à nous au niveau de cette parole du cœur. Ensuite, cette parole du cœur, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, par exemple, al jannatu haq, le paradis existe. L'enfer existe. Ça fait naître dans le cœur des actes. Ces actes du cœur, maintenant, une fois qu'ils apparaissent et qu'ils atteignent le niveau législativement reconnu, bien sûr, qu'est-ce qu'ils donnent obligatoirement au niveau de la langue et du corps ? Des paroles. Naissance aux paroles des paroles de la langue. Et ensuite, actes du corps. Donc, quelle parole de la langue qui est une condition pour qu'il y ait prise en considération du reste ? La shahada. Et au niveau du corps aussi, il y a des actes qui naissent, qui sont les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont la plus grande est la prière, la salah. Donc il y a interdépendance. Plus les actes du cœur sont forts, plus il y a de paroles de la langue, et plus il y a de paroles de la langue en termes de iman et d'actes du cœur. Quelqu'un qui fait beaucoup de nafila, beaucoup de nawafil, de prières surrogatoires, qui jeûne le lundi, le jeudi, qui est extrêmement obéissant à ses parents, qui a toujours la langue trempée dans le dhikr d'Allah, qui lit le Coran matin, soir, etc., qui a beaucoup d'actes de la langue, de paroles de la langue et d'actes du corps. Ça, a priori, ça montre que dans son intérieur, il a les paroles du cœur. Voilà, au niveau des paroles du cœur et aussi surtout de ses actes du cœur, il a un haut niveau. D'accord. Quelqu'un qui fornique, quelqu'un qui fait le haram, qui boit le vin, quelqu'un qui coupe les liens de la parenté, qui maltraite ses parents, etc. Ça montre quoi ? Qu'il y a un manque de... Qu'au niveau des actes du cœur, il y a une faiblesse. Voilà, il y a une faiblesse. Mais est-ce que les actes du cœur ont disparu ici ? Du cœur ? Ouais, du cœur. Non, ils n'ont pas disparu. Ils sont toujours présents. Mais la personne est en deçà de la complétude obligatoire. Mais il garde la base de la foi. Donc cette interdépendance, elle existe aussi dans le kufr. Là, on parlait de la foi. Dans le kufr, c'est pareil. Dans le kufr, il y a une interdépendance. Quelqu'un qui insulte Allah, subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui piétine le Coran. Celui-là, il a bien une faille au niveau du cœur. Il a fait cette chose-là parce que dans son cœur, il y a des choses qui l'y poussent. La faille pour quelqu'un qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala se trouve où ? Dans le cœur. Dans le cœur, mais il y a deux compartiments. Parole du cœur. Les deux, les paroles et les actes. Dans les actes du cœur. Ça se trouve pas aussi dans les paroles du cœur ? Dès qu'il y a d'abord extinction du hymen, les quatre compartiments ne sont pas législativement reconnus. En tant que présent, et il y a obligatoirement, on a dit, interdépendance entre tous les compartiments. Shaitan, s'il n'a pas voulu se prosterner lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, c'est bien que même dans ses paroles du cœur, il n'a pas la complétude qu'il faut. C'est pas au niveau zéro, mais il y a un problème. Hein, au niveau de même de ces paroles du cœur. Parce que quelqu'un qui réellement sait que Allah il est dur de châtiment, c'est Al-Jabbar, qu'il va nous juger sur l'atome de bien, de mal, et qu'on va revenir vers lui, que ce sera éternellement soit le paradis ou l'enfer, ça ne va pas l'amener normalement à ne pas se prosterner lorsqu'Allah va lui dire de se prosterner. Donc il y a interdépendance même au niveau du kufr. Lorsqu'il y a kufr de la langue ou du corps, c'est qu'il y a un problème aussi au niveau de l'intérieur. Au niveau de l'intérieur. Donc quelqu'un qui insulte Allah ou bien quelqu'un qui insulte Allah, est-ce qu'il peut prétendre la vénération d'Allah dans son cœur, al-ta'zim, al-mahabba, quelqu'un qui piétine le Coran en sachant que c'est le Coran? Hubb al-Qur'an, c'est un charte dans l'iman ou pas? Quelqu'un qui pratique tout l'islam et je déteste le Coran, il est musulman ou pas? Il fait les 5 prières, fait le hajj, fait dhikr Allah, il lit le Coran nuit et jour, mais ce livre je le déteste, il dit. Il dit au niveau de la parole du cœur, c'est le livre d'Allah, c'est le dernier livre, celui qui le pratique ira au paradis, celui qui le délaisse ira en enfer. Il n'y a pas de débat au niveau de la parole du cœur. Mais il dit au niveau des actes du cœur, je le déteste. Il dit avec sa langue ça. Il est musulman? Enfin, il n'est pas musulman. Kafir bil ijma'ali. Kafir bil ijma'. Donc cette insulte du livre d'Allah, elle montre que au niveau de son cœur, il n'a pas de ta'zim, il n'a pas le mahabba, etc. Celui qui piétine le Coran, c'est pareil. Celui qui ne prie pas, donc selon la parole qui est authentique, qui est la parole la plus authentique et qui est le consensus des sahaba, celui qui ne prie pas, ça montre aussi quelque chose au niveau de son intérieur. Au niveau de la parole du cœur, obligatoirement au niveau de l'acte du cœur. Au niveau de la parole du cœur, il peut être intact. Lui, il te dit, moi, cette salate, elle est obligatoire. La salate, elle est obligatoire. Ah, d'accord. Ouais. C'est dans ses actes. Elle est obligatoire. Allah, il a légiféré 5 prières par jour. D'ailleurs, quand aujourd'hui on dit aux gens qui ne prient pas, il faut prier, tu dis, mais je sais. Allah dit, non. Mais je sais. C'est-à-dire, tu viens, si tu lui dis, tu n'es pas au courant, là, il a légiféré 5 prières obligatoires par jour, il va se vexer. Mais attends, quand même, tu m'as pris pour un kafir, moi. Je sais que Allah, il a. Donc, il faut l'exhorter à pratiquer la prière. Mais lui apporter l'information, il le sait déjà, lui. Donc, au niveau des paroles du cœur, il le sait. Donc, il a déjà rendu. Après, si jamais c'était ancré comme il se doit, réellement comme il le faut, ça aurait donné aux actes du cœur. Voilà, parce que qui a légiféré ça, les 5 prières? C'est Allah, qui est l'omniscient, qui est l'omnipotent, qui va te juger sur cette prière là. Cette prière, c'est une source de bonheur dans ce bas monde et l'autre. Donc si jamais il avait vraiment une parole du cœur complète, ça aurait donné naissance à des actes du cœur. Mais lui, il a au niveau de la langue, il déclare que dans son cœur, Allah a rendu obligatoire ces 5 prières. Donc le takfir de celui qui délaisse la prière, d'abord, on avait dit, ça c'est une règle importante, que le takfir, c'est un jugement qui a lieu sur ce qui apparaît de la langue et du corps. On ne va pas fouiner, nous, dans les paroles du cœur. On n'a pas la capacité. On n'a pas la capacité. Mais ce qui est certain, c'est que celui qui délaisse la prière, au niveau de ses actes du cœur, il n'a pas la mahabba, la ta'zim des ordres d'Allah, etc., au niveau législativement reconnu. Même s'il dit, moi j'aime Allah, ben, ton amour d'Allah prétendu ne te permet même pas de te prosterner devant lui 5 fois par jour à cinq prières qu'il t'a rendues obligatoires. Donc cet amour là il n'est pas reconnu comme étant présent. Ton iman s'est effondré de manière complète. Donc il y a une interdépendance entre le kufr amali, le kufr de l'acte, comme le délaissement de la prière, le délaissement de la sharia de manière totale et absolue en la remplaçant par une constitution de kufar, et l'intérieur du cœur. Et l'intérieur du cœur, soit au niveau de la parole, soit au niveau des actes. Donc le kufr amali, puisqu'il y a interdépendance dans la foi, il y a aussi interdépendance au niveau de la mécréance. Il y a interdépendance au niveau de la mécréance. Donc lorsqu'il y a mécréance au niveau de la langue ou au niveau du cœur, on est d'accord qu'il y a aussi mécréance au niveau du cœur, que ce soit au niveau de la parole ou au niveau du cœur. Mais le manat du takfir, c'est-à-dire la cause qui permet de statuer que la personne sort de l'islam. Pour nous, en tant que personne, donc humain vivant dans ce bas monde et n'ayant pas accès au cœur, quelles sont les deux causes qui permettent de statuer du kufr d'une personne? Parle de la langue. Et acte du corps. Voilà, et acte du corps. Nous, on n'a que ça, nous. Voilà. On n'a que ça. Donc, quand est-ce que l'on va pouvoir dire qu'un acte fait sortir de l'islam? Quand le délaissement du prière. C'est quand le char, la législation, dit que c'est du kufr akbar. quand la législation juge que cet acte-là, en termes de le faire ou bien de le délaisser, implique que c'est du kufr akbar. Je peux pas par goût, moi, dire. Par dire, ouais, ben ça, c'est du kufr akbar. Ça, ça se voit, lui. Allah alam, au niveau de son cœur, il aime pas Allah. Non, tu peux pas. Est-ce que c'est le shara qui a dit ça? Non. Est-ce que le shara, la législation, elle a dit que cet acte, c'est du kufr akbar? Ou bien de manière plus prioritaire, comme le fait d'insulter Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du kufr selon l'ijma' ça. Le fait d'insulter le prophète alayhi salatu wa salam, c'est aussi du kufr, de manière consensuelle. Donc, c'est le shara qui nous permet de dire, ça c'est du kufr, ça ce n'est pas du kufr. Et cette interdépendance-là, elle ne doit pas amener les gens à donc conditionner que la personne prononce son kufr du cœur par la langue. Nous, une fois que l'acte il a été cité, une fois que l'acte il a été cité comme étant de la grande mécréance, certes, il implique qu'il y a une mécréance au niveau de la parole du cœur, ou bien des actes du cœur, ou bien des deux. D'accord? Mais nous, la cause par laquelle on statue de la mécréance de la personne, c'est la parole de la langue et l'acte du cœur, ou bien la parole du cœur et l'acte du cœur? Non, la parole de la langue. C'est ce qui est extérieur. Tout ce qui relève du cœur, nous, on n'y a pas accès. Et aujourd'hui, on a, donc, cet égarement qui est apparu chez certains frères, qui, même lorsque l'acte est cité comme étant du kufr dans la législation, du kufr akbar, il conditionne qu'il y ait un kufr d'i'tiqad, donc un kufr soit, et souvent ce qu'il vise par i'tiqad, c'est parole du cœur, qu'il soit donc montré par la langue, parce que la parole du cœur, c'est la langue qui va nous dire qu'est-ce qu'il y a dans le cœur au niveau des paroles. Il faut que la personne donc prononce par sa langue une parole nous montrant ce qu'il a dans le cœur. Mais on a des actes qui nous montrent ce qu'il a dans le cœur par la législation. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit que ça, c'est du kufr akbar. Comme le délaissement de la prière, comme le fait d'insulter Allah, le prophète, insulter quelque chose de religieux, en sachant que ça relève de la législation, et bien ça c'est du kufr akbar. Donc on va lire des paroles de l'Hafid al-Hakami. On termine, Inch'Allah, patientez ayol ikhwan. Concernant ces deux types de mécréances, mécréance de l'acte et mécréance de la croyance, on va lire une réponse à une première question qu'il a donnée, qui va être une réponse dans laquelle il ne va pas y avoir détail, qui peut amener à des ambiguïtés, et qui ont apporté d'ailleurs des ambiguïtés. Et ensuite, ces ambiguïtés vont être enlevées dans une réponse à une autre question. Et vous savez que le minhaj des gens de la Sunna, c'est de juger donc de l'opinion d'un savant en réunissant toutes ces paroles et non pas en prenant ce qui nous fait plaisir. Donc il dit, rahmatullah alayh, en répondant à la question suivante. Il dit, c'est la question 161. Donc là, on est dans le livre A'lam Sunnati al-Manshura. Il est traduit sous le titre 200 questions-réponses. Dans la croyance, il me semble. C'est un livre qui est connu de l'Hafid al-Hakami, rahimahullah. Ma huwa diddul iman? Quel est le contraire de la foi? Il dit, diddul iman al-kufr. Le contraire de la foi, c'est la mécréance. Wa huwa aslun lahu shu'ab. Et c'est un fondement qui a des branches. Kama anna al-iman aslun lahu shu'ab. Tout comme la foi est un fondement qui a des branches. Wa qad arafta mimma taqaddama anna asl al-iman huwa at-tasdiq al-id'ani al-mustalzim lil-inqiyad bit-ta'ah. Et il a dit, et tu sais, de par ce qui a précédé, que la base de la foi, c'est la croyance, at-tasdiq al-id'ani al-mustalzim lil-inqiyad bit-ta'ah. Donc c'est le tasdiq qui implique la soumission par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce n'est pas un tasdiq point. Ce n'est pas une confirmation d'information, c'est tout. Croire dans le sens linguistique. C'est une croyance qui amène la personne à se soumettre à ces croyances-là en obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, fal kufru asluhu al-juhud wal-inad. Et la base de la mécréance est al-juhud, donc le fait de rejeter quelque chose en y croyant dans son intérieur, wal-inad, et de disputer cette chose-là, al-mustalzim lil-istikbar wal-isyan. Donc, et ceci implique al-istikbar, l'enorgueillissement, donc s'enorgueillir face à la vérité, wal-isyan, et la désobéissance. Il dit, fat-ta'atu kulluha min shu'ab al-iman. Donc les obéissances sont toutes des branches parmi les branches de la foi. وَقَدْ سُمِّيَ فِي النُّصُوصِ كَثِيرٌ مِّنْهَا إِمَانًا. Et il dit, dans les textes, il y a beaucoup de branches de la foi qui ont été appelées إِمَانًا. كَمَا قَدَّمْنَا. Tout comme nous l'avons cité précédemment. وَالْمَعَاسِي كُلُّهَا مِنْ شُعَبِ الْكُفْرِ. Et les deux obéissances sont toutes des branches de la mécréance. وَقَدْ سُمِّيَ فِي النُّصُوصِ كَثِيرٌ مِّنْهَا كُفْرًا كَمَا سَيَأْتِي. Et il y a dans les textes beaucoup donc de désobéissances qui ont été appelées kufr, comme on le verra plus tard. Il dit فَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا عَرَفْتَ أَنَّ الْكُفْرَ كُفْرًا. Il dit, si tu sais cela, tu sais que la mécréance se divise en deux mécréances. Il dit كُفْرٌ أَكْبَر. Donc là, c'est là où il va y avoir des paroles qui vont être dites et qui peuvent amener à erreur. Surtout, rahmatullah alayh, ensuite on lui a posé une autre question où il enlève cette ambiguïté-là. Il dit donc, si tu sais cela, tu sais que la mécréance est de deux types. Kufrun akbar, une grande mécréance. Yukhriju min al-iman bil-kulliya, qui fait sortir de la foi de manière complète. Wa huwa al-kufru li'tiqadi, et c'est la mécréance donc de l'i'tiqad. Al-munafi li-qawli al-qalb, qui donc annule la parole du cœur, wa amalihi, et ses actes, ou li ahadihima, ou bien l'un des deux. Donc la mécréance de l'i'tiqad, la mécréance relevant de la croyance entre guillemets, là, hein. Donc c'est, on va appeler ça si vous voulez, mécréance du cœur, c'est une mécréance qui annule quoi? Les paroles du cœur et les actes du cœur, ou bien les paroles, ou bien les actes, bien l'un des deux. Donc ça c'est une mécréance qui est intérieur, c'est le kufr akbar, il a dit. Ensuite, il a dit, wa kufrun asrar, et une petite mécréance. Yunafi kamal al-iman, qui va à l'encontre de la complétude de la foi. Quelle complétude? Wajib. Complétude obligatoire. Wala yunafi mutlaqah, et qui ne va pas de manière absolue à l'encontre de la foi. Donc, qui ne l'annule pas dans sa totalité. Wa huwa al-kufru al-amali, et c'est la mécréance des actes, al-kufr al-amali, alladhi la yunaqidu qawl al-qalb, qui n'annule pas la parole du cœur, wala amalah, et ni son acte, wala yastalzimu dhalik, et qui n'implique pas cela. Et qui n'implique pas cela. La question est finie. Honnêtement, qu'est-ce que l'on comprend là? On comprend, c'est-à-dire tout ce qui est fait, c'est-à-dire tout ce qui est venu du cœur. Comme mécréance. C'est une mécréance. C'est de la grande mécréance. De la grande mécréance. Et? Et après, tout ce qui est amali, c'est-à-dire ça peut relever petite mécréance ou... Ça peut être de la petite mécréance ou de la grande mécréance. Là, il a été clair. Il a dit il y a deux types de mécréance. La grande mécréance qui fait sortir de la foi de manière complète. Et c'est la mécréance de l'i'tiqad. C'est la mécréance de la croyance. Il a dit le petit kufr. Et c'est celui qui va à l'encontre de la complétude de la foi et qui ne l'annule pas de manière totale. Et il dit, et c'est le kufr amali, alladhi ki. Et ici, là, cette phrase-là, alladhi la yunaqidu qawla al-qalb wa la amalahu wa la yastalzimu dhalik. En arabe, est-ce que c'est une sifa kashifa ou bien est-ce que c'est une sifa ihtiraziya? Est-ce que c'est une qualité qui vient développer de manière synonyme ce qui a été dit auparavant, ou bien est-ce que c'est une qualité qui vient spécifier ce qui a été cité auparavant? Lorsqu'il dit, et c'est la mécréance qui n'annule pas la parole du cœur, et ni les actes du cœur, et ni l'acte du cœur. Est-ce qu'il veut dire que c'est que la petite mécréance est une mécréance qui n'annule pas la parole du cœur et ni les actes, ou bien il dit que le petit kufr, c'est le kufr amali, alladhi la yunaqidu qawla al-qalb, qui n'annule pas la parole du cœur, wa la amala, et ni son acte, ni les actes du cœur. Là, quand il dit, et c'est celui qui, et le kufr amali, celui qui n'annule pas la parole du cœur ou l'acte du cœur. Est-ce que par cette phrase-là, celui qui n'annule pas l'acte du cœur ou la parole du cœur, il vise à développer qu'est-ce que al-kufr al-amali, ou bien il donne une partie composant al-kufr al-amali? C'est une partie composant al-kufr al-amali. Et ça, alladhi, ça peut être une sifa kashifa en arabe. Si c'est une sifa kashifa, ça veut dire que c'est synonyme, qu'il développe ce qui a été dit auparavant. Si c'est ihtiraziya, c'est pour spécifier. Donc là, ça peut être ambigu là. Alladhi la yunaqidu qawla al-qalb, celui qui n'annule, c'est le kufr amali, c'est le kufr qui n'annule pas la parole du cœur ou bien l'acte du cœur. Est-ce qu'il veut dire que le kufr amali, il a cette qualité là, c'est-à-dire qu'il n'annule pas la parole du cœur ou bien l'acte du cœur, ou bien il veut dire que le petit le kufr amali qui relève du petit kufr est celui qui n'annule pas la parole du cœur et l'acte du cœur. Comprenez la nuance subtile que l'on va justement voir dans la question suivante. Donc on lui a demandé ensuite dans la question 169. Idha qila lana, si on nous demande هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي. Il a dit, si on nous dit, est-ce que la prosternation devant la statue et le fait de rabaisser le livre d'Allah, le fait d'insulter le messager et le fait de rigoler, de plaisanter avec la religion et tout ce qui est semblable à cela, ceci, donc toutes ces choses-là, est du kufr amali, fima yadhar, par ce qui apparaît. C'est du kufr amali, ça. Tout ça, c'est des actes. C'est du kufr amali. Et dit, falima, la question c'est, falima kana mukhrijan min ad-din, pourquoi alors est-ce que ça fait sortir de la religion? وَقَدْ عَرَّفْتُمْ الْكُفْرَ الْأَصْغَرَ بِالْعَمَلِ, alors que vous avez défini le petit kufr comme étant le kufr amali. D'accord? Comment ça se fait que ça, ça fait sortir de la religion? Alors que vous avez défini le petit kufr comme étant kufr amali. Donc il y a eu ambiguïté dans la question auparavant. Est-ce qu'il visait par الَّذِي لَا يُنَاقِدُ قَوْلَ الْقَلْبِ وَعَمَلَهُ, celui qui n'annule pas la parole du cœur et son acte? Est-ce qu'il visait que le petit kufr, c'est le kufr amali qui a cette qualité, mais il y a un autre kufr amali qui n'a pas cette qualité, qui relève donc du grand kufr, hein? Ou bien est-ce que tout kufr amali est un kufr, donc il n'annule pas la parole du cœur ou bien les actes du cœur, et donc tout petit, tout kufr amali est du petit kufr, tout kufr des actes est du petit kufr. Donc il répond, il dit i'lam anna hadhihi al-arba'a, sache que ces quatre choses que tu as citées, donc se prosterner devant une statue, abaisser le livre d'Allah, insulter le messager, ou bien plaisanter avec la religion, et ce qui lui ressemble, il dit, ceci ne fait pas partie du kufr amali, illa min jihati kawniha waqi'atan bi'amali al-jawarih fi ma yadhharu lin-nas. Il dit, ceci ne fait pas partie du kufr amali, si ce n'est du fait qu'elles apparaissent par les actes, donc par les organes, hein, par les actes des organes, des membres, فِمَا يَظْهَرُ لِنَّسِ, hein, dans ce qui apparaît aux gens. Donc quelqu'un qui se prosterne devant une statue, quelqu'un qui insulte un prophète, quelqu'un qui rabaisse le Coran, ça, aux yeux des gens, les gens, qu'est-ce qu'ils voient, eux? Un acte, une parole. Donc de ce fait-là, ça c'est un kufr amali. Mais on avait dit chez Ahl-Sunnah, il y a interdépendance entre l'intérieur et l'extérieur. Il dit ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك. Il dit, mais donc ces quatre choses là ne peuvent donc intervenir si ce n'est avec la disparition donc des actes du cœur, qui sont l'intention, l'ikhlas, sa sincérité, l'amour et la soumission. Il dit, il ne reste rien de tout cela avec ces actes-là. Donc lorsqu'il y a prosternation devant une statue, lorsqu'il y a rabaissement du Coran, insulte du prophète, il y a aussi donc disparition d'actes du cœur, ou bien aussi de paroles du cœur. Ça peut être aussi les paroles du cœur. Mais moi je m'arrête à ce que dit l'imam rahimahullah. Il dit, فَهِيَ وَإِنْ كَانَتْ عَمَلِيَّةً فِي الظَّاهِرِ. Il dit, si elles sont effectivement, donc عَمَلِيَّةً, elles relèvent des actes, فِي الظَّاهِرِ, en extérieur, فَإِنَّهَا مُسْتَلْزِمَةٌ لِلْكُفْرِ الْاِعْتِقَادِ وَلَابُدْ, elles impliquent obligatoirement le kufr i'tiqadi, وَلَابُدْ, obligatoirement. وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ لِتَقْعَ إِلَّا مِنْ مُنَافِقٍ مَارِقٍ, et il dit, elles ne peuvent apparaître que d'un hypocrite, donc sorti de l'islam, أَوْ مُعَانِدٍ مَارِدٍ, ou bien d'un grand, disputeur, quelqu'un qui va à l'encontre de la religion. Il dit, وَهَلْ حَمَلَ الْمُنَافِقِينَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ عَلَى أَنْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. Et il dit, à la bataille de Tabouk, qu'est-ce qui a poussé les munafiqines à dire la parole de mécréance, comme c'est cité dans le verset d'At-Tawbah 74, et ils ont mécru après leur islam. Donc eux, ils se sont moqués du prophète, des récitateurs du Coran. Il a dit, إِلَّا ذَلِكَ, et c'est ceci. Donc les actes du cœur, l'absence d'amour, de vénération, de ikhlas, de sincérité, qui les a poussés à dire ça, à cette parole. Et lorsqu'on leur a posé la question, ils ont dit innama kunna nakhudu wa nal'ab, simplement on plaisantait, on rigolait, on discutait, on rigolait. Et la qawlihi ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit ensuite? Qul abillahi wa ayatihi, c'est dit auparavant dans le Coran, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Dit, est-ce que c'est d'Allah et de ses versets et de son messager que vous rigoliez? La ta'tadhiru, ne présentez pas vos excuses, qad kafartum ba'da imanikum, vous avez mécru après votre foi. Wa nahnu, regarde ce qu'il dit ensuite. Regarde ce qu'il dit ici. Ça c'est important. Donc là, il va réfuter la mauvaise compréhension qu'on aurait pu tirer de la question précédente. Et nous n'avons pas défini le petit kufr comme étant, donc, comme relevant des actes de manière absolue. Comme étant le kufr amali de manière absolue. Bel il amali, mais plutôt, comme étant le kufr amali al-mahd pur alladhi lam yastalzim al-i'tiqad wa lam yunaqid qawl al-qalb wa la amala, mais plutôt comme étant le kufr amali, donc des actes purs qui n'impliquent pas l'i'tiqad, la croyance, et qui n'annulent pas la parole du cœur et ni ses actes. Donc dans le kufr amali, on a deux catégories: petit kufr et grand kufr. Le grand kufr amali, qu'est-ce qu'il implique? Il implique l'annulation soit des paroles du cœur, soit des actes du cœur, ou bien les deux. Maintenant, lorsqu'une personne fait un kufr amali akbar, quelle est la cause de takfir? C'est que sa parole ou bien son acte. Ou bien c'est l'implication relevant de l'intérieur? Non, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Nous, c'est simple. Dans le takfir, on n'a que deux choses. Parole et acte du corps. Oui. Parole de la langue, acte du corps. Rien d'autre. Bon, alors, on a lu ce que je voulais qu'on lise. Bihaoulillahi azza wa jal. Alhamdulillah, Allah, il a permis. Les paroles d'Ibn al-Qayyim. Il faudra les réécouter, parce qu'il y a beaucoup de usul qui sont importants. Les paroles de al-Hafidh al-Hakimi. Donc, ce qu'on retient vraiment, le kufr se divise en kufr amali et kufr i'tiqadi. Mais même cette définition-là, certains disent qu'il faut la délaisser complètement. Car aujourd'hui, elle s'est accordée donc aux règles des Mourji'a, qui est qu'il n'y a de kufr que par l'i'tiqad. La kufra illa bil-i'tiqad. Il n'y a pas de mécran si ce n'est pas l'i'tiqad. Attends, je finis, j'aurai pas le temps, sinon je conclue. Il n'y a pas de mécran si ce n'est pas l'i'tiqad. Et ça, c'est faux. Même quand il y a la mécréance, il y a accompagnement de l'i'tiqad, que ce soit au niveau de la parole du cœur ou des actes du cœur, mais il n'y a pas statut de mécréance si ce n'est par l'i'tiqad. D'ailleurs, il n'y a même jamais statut de la mécréance de par l'i'tiqad. On statue toujours par ce qui est dit par la langue ou bien ce qui a été fait par le corps. Donc le kufr amali, il y a du grand kufr et du petit kufr. Et la ibara des salafs, l'expression des salafs, c'est donc le kufr akbar et kufr duna kufr, ou bien kufr asrar. Grande mécréance, petite mécréance. Ou bien la petite mécréance, on l'appelle kufr duna kufr. Kufr en deçà du grand kufr. Mais kufr amali i'tiqadi, vaut mieux délaisser ça, car aujourd'hui, les gens se sont mélangés là-dedans.